le petit gamin, la canne à la main, comme il s'en va vite. L'as-tu vu, le petit gamin, la canne à la main, comme il s'en va loin. L'as-tu vu, le petit gamin, la canne à la main, comme il s'en va vite. L'as-tu vu, le petit gamin, la canne à la main, comme il s'en va loin. Si petit comme il s'en va vite, si petit comme il s'en va loin. Le petit gamin, la canne à la main, est déjà bien loin sur le chemin. Si petit comme il s'en va vite, si petit comme il s'en va loin. Le petit gamin, la canne à la main, est déjà bien loin sur le chemin.